attraper son billet et monter dans un train. Sentir avancer, quitter son quotidien. Savoir que l'on part sans savoir où l'on va. Partir au hasard, pour le reste on verra. Aucun pied à terre, mais la terre sous nos pas. Dormir nez en l'air, les étoiles comme drap. Se sentir en vie, vivre la vie qui est là. Exister aujourd'hui, pour le reste on verra. Partir plus loin, voile au vent, aller de l'avant. Se sentir serein, rien ne compte plus que l'appel du chemin. Croiser des chemins, s'arrêter un moment, et un beau matin, repartir se mêle au vent. Se lier à ces gens, une nuit pourquoi pas. Éternel instant, pour les autres on verra. Aucun compagnon, la nature comme compagne. Pour seul horizon, les déserts, les montagnes. Et toujours séduit par le panorama. Ce moment se vit, mais ne se raconte pas. Partir plus loin, voir le vent aller de l'avant. Se sentir serein, rien ne compte plus que l'appel du chemin. Rentrer un beau jour, bien des semaines après. Retrouver l'amour des amis du foyer. Vouloir repartir, pas pouvoir se poser. Toujours ressentir l'appel du monde entier.